야. 야. 야. 야. The Masked Jerk. 나 putain, on est jeune et impatient. De toute façon, on finira riche. Nous on kiffe que sur l'argent, alcool, shit, nos passe-temps. On baisera toutes ces bitches. J'ai jamais compté sur personne. Je me démerde tout seul. Je m'en sors bien jusqu'ici. Est-ce que c'est mon place? Critique, c'est pas grave. On y arrivera quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est nous les best. Nous on arrive, ça sent la fraîche. Je tombe pas ma veste, je suis irréversible. Tu parles de nous, donc c'est toi la cible. Parlez, parlez, niquez vos mères. Yankli, Yankli, shit dans le boxer. Quoi qu'il arrive, on est les boss. Si tu parles mal, tout creuse, tout creuse. On donnera tout pour la street jusqu'à la mort. On est actif, on s'endort pas, on respire. Je reste éveillé jusqu'à toucher mon bif. Clic, clic dans leur grand-mère. Je m'éloigne pas de mon but. Je rappe la rue, les deux pieds dans les deux coups dans le calbut. Je vise la lune, mais trop de putes sont posées sur mon trajet. Mon son un hypercute qui va tous les coucher. A rien je suis attaché. Toute la street me suit prêt. Vrai, reconnaisse vrai. Nique la mère au tout trait. Je suis parti de rien quand t'avais tout. Personne m'a tendu la main. Maintenant j'avance tout seul. Je construis mon lendemain. Cousin, on a plus temps. On est jeune et impatient. De toute façon on finira riche. Nous on kiffe sur l'argent. Alcool shit nos passe-temps. On baisera toutes ces bitches. J'ai jamais compté sur personne. Je me démerde tout seul. Je m'en sors bien jusqu'ici. Est-ce que c'est mon place? Critique c'est pas grave. On y arrivera quoi qu'il arrive.